Monsieur Carvalho, je On peut le mettre sur le brancard, mais... Je peux le mettre sur le brancard. Oui, il n'y a que ça que tu peux faire, de toute façon. Ouais, bah oui, il n'y a que ça que je peux faire. Bah, l'important, c'est qu'il laisse la radio, même si c'est pas parce que... Quoi? Même si c'est un brancard, il y a une chose.